que je reste immobile, tout simplement, faisant semblant d'eux. Un météore plongeant vers sa fin, une petite lampe sur le bureau espérant gestation et silence, un verre. La nuit est parfaite au réveil. Le sourire désossé d'un enfant brise ce verre, puis ce fut dimanche. C'est à coups de marteau qu'il faut leur parler. Après toi, voilà, après toi, la colère, toutes dents dehors. L'entaille sur la lampe blessée jusqu'à la lumière, l'on ne saura plus rien de nous. Je force mon regard au passé, je laisse les sourires sur le papier jauni, avec le rêve. Aujourd'hui, un cauchemar sous le ciel bleu. Les survivants levant de temps en temps la tête, une blessure au poumon pourtant. Quand l'on essaye là, dans l'instant de cette soirée, de trouver du sens, d'en être incapable, alors la joie me monte aux yeux. Comment suis-je arrivé à de tels tremblements, craquellements de mon esprit? Traverser la rue, même sans sourire, cela ne me différenciait pas des autres. Que je reste immobile, tout simplement, faisant semblant d'eux.